بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ها نحن في درسنا الثالث والعشرين في تفسير كتاب الله تعالى Nous sommes donc au 23e cours dans l'exégèse du livre d'Allah تعالى ونستمر اليوم في تفسير سورة المطففين. Et on continue aujourd'hui dans l'exégèse de la sourate Al-Mutaffifin. وقد بينا أن المطففين هم الذين يطلبون حقهم كاملا ويفرطون في حقوق الآخرين. Nous avons vu que, nous avons montré que Al-Mutaffifun, ce sont ceux qui vont demander pleinement leurs droits. Et être négligent concernant les droits des autres. وتكلمنا عن المنكرين للبعث وأنهم يصفون كلام رب العالمين بأنه من أساطير الأولين وأن الذي حملهم على ذلك هو التعدي والران الذي عم على قلوبهم بسبب ذنوبهم. فَلَا يُبْصِرُونَ وَلَا يُمَيِّزُونَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ. Et on a aussi parlé de ceux qui rejettent la résurrection et qui décrivent la parole du Seigneur de l'univers comme étant des récits d'anciens. Et que ce qui les a poussés à cela, c'est leur transgression et la couverture qui a certes couvert entièrement leur cœur à cause de leurs péchés. Ils ne vont pas donc avoir de clairvoyance et ne vont pas distinguer entre le bon et le mauvais. Ensuite, Allah Ta'ala, il dit « Kalla, innahum an rabbihim yawma idhil la mahjuboun » En réalité, il leur sera empêché par un voile de voir leur Seigneur en ce jour. فَهَؤُلَاءِ الْكَافِرُونَ مَحْجُوبُونَ عَنْ رُؤْيَةِ رَبِّهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا أَنَّهُمْ حُجِبُوا عَنِ الْحَقِّ فِي الدُّنْيَا. Et donc ces incroyants, il leur sera empêché de voir leur Seigneur durant le jour de la résurrection. Au jour de la résurrection. De la même façon qu'il leur a été empêché de voir la vérité ici-bas. وَالْعُقُوبَةُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. Et la sentence, la punition est du même genre que l'œuvre. أَنْكَرُوا الْحَقَّ فَلَمْ يَرَوْهُ حَقًّا فِي الدُّنْيَا فَحُجِبُوا عَنْ رُؤْيَةِ رَبِّهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ils ont nié la vérité et ne l'ont pas vu comme tel ici-bas. Alors, il leur a été empêché, il leur sera empêché de voir leur Seigneur au jour de la résurrection. واستدل أهل السنة بهذه الآية على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. Et certes, les gens de la Sunna, ils se sont appuyés sur ce verset pour dire que les croyants verront leur Seigneur au jour de la résurrection. Et certes, les preuves qui montrent que les croyants verront leur Seigneur au jour de la résurrection sont des preuves qui viennent du livre, Al-Kitab, le livre d'Allah, ainsi que la Sunna et aussi Al-Ijma, l'unanimité des savants. قال الشافعي رحمه الله في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون دلالة على أن أولياء الله يرون الله انتهى. الإمام الشافعي رحمه الله il dit il y a dans sa parole, c'est-à-dire la parole d'Allah, كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. En réalité, il leur sera empêché par un voile de voir leur Seigneur en ce jour. Il y a dans cette parole une preuve qui montre que les alliés d'Allah le verront. Fin de citation. فكون الكافرين محجوبين عن رؤية ربهم دليل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، لأنه لو كان المؤمنون محجوبين عن رؤية ربهم أيضا لم تكن فائدة بتخصيص الكافرين بالحجاب عن رؤية ربهم. Et donc le fait que les incroyants, il leur sera empêché de voir leur Seigneur au jour de la résurrection, ceci est une preuve que les croyants, ils verront leur Seigneur au jour de la résurrection. Pourquoi? Parce que si les croyants ne pouvaient pas voir non plus leur Seigneur, si les croyants eux aussi leur étaient empêchés de voir leur Seigneur au jour de la résurrection, alors il n'y aurait pas eu d'utilité à citer spécifiquement les mécréants, les incroyants. Il n'aurait pas eu d'utilité à ce que Allah Ta'ala, il cite spécifiquement le fait que les incroyants, il leur sera empêché de voir leur Seigneur au jour de la résurrection. Et donc, le fait que Allah ait cité que les incroyants ne verront pas, ils seront privés quant au fait de voir leur Seigneur au jour de la résurrection, ceci est une preuve montrant que les croyants, eux, ils verront leur Seigneur au jour de la résurrection. Et Allah le Très-Haut, il dit « Wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira » Des visages seront en ce jour-là illuminés, regardant leur Seigneur. Et Allah le Très-Haut, il dit « Lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada » À ceux qui ont été bienfaisants, al-husna, la meilleure récompense, wa ziyada, ainsi qu'un rajout. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزيادة هي النظر إلى الله تعالى كما في صحيح مسلم. Et le prophète صلى الله عليه وسلم, il a dit que الزيادة, le rajout, par rapport à la récompense, le rajout, c'est donc le fait de regarder Allah تعالى comme cela a été cité dans صحيح مسلم. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Al-Bukhari et Muslim ont cité dans leur recueil selon Suhaib que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque les gens du paradis rentreront au paradis, Allah dira, Allah tabaraka wa ta'ala dira, est-ce que vous voulez quelque chose que je vous rajoute ?» Ils diront « N'as-tu pas blanchi nos visages, c'est-à-dire les illuminer et embellir nos visages ? Ne nous as-tu pas fait rentrer au paradis ?» et sauvé de l'enfer, alors Allah retirera, Allah lèvera le voile, et ainsi il ne leur sera pas donné une chose qu'ils aimeront plus que le fait de regarder leur Seigneur Azza wa Jal. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité ce verset, « Lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada » à ceux qui ont été bienfaisants, Al-Husna, la meilleure des récompenses, c'est-à-dire le paradis, Waziyada, et un rajout à cela. Wa ahlul bid'ah ankaru anna al-mu'minina yarawna rabbahum yawm al-qiyamah. Et les gens de l'innovation, ils ont rejeté le fait que les croyants verront leur Seigneur au jour de la résurrection. Mustadillina bi qawlillahi ta'ala. Et ces gens de l'innovation, il s'appuie sur la parole d'Allah le Très-Haut. La parole d'Allah le Très-Haut. La tudrikuhu l'absar wa huwa yudrikul absar. Certes, les regards ne le cernent pas et lui, il cerne les regards. Wa hadhihi al-aya dalilun 'alayhim la lahum kama qalat al-ulama li anna nafya al-idrak دليل على إثبات الرؤية. Et en réalité, ce verset sur lequel se sont appuyés les gens de l'innovation est une preuve contre eux, pas pour eux. Pourquoi? Parce que le fait de rejeter, de nier le fait qu'ils vont cerner donc Allah Azza wa Jal, c'est une preuve qu'ils le verront. Car le fait de dire qu'ils ne peuvent pas le cerner, ils ne peuvent pas le cerner. Cela montre qu'ils peuvent le voir, mais qu'ils ne peuvent pas le cerner. C'est-à-dire, le cerner, c'est-à-dire ce qui est voulu par là, c'est le fait de le voir entièrement. Le fait de le voir entièrement, c'est ce qui est voulu par le cerner. Et donc, ils ne pourront pas le cerner, mais ils pourront le voir. Et donc, le fait de dire qu'ils ne pourront pas le cerner, ceci est une preuve montrant qu'ils pourront le voir. Voilà pourquoi ce verset est une preuve contre eux et pas pour eux. وأخرج شيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. Et certes, les deux cheikhs al-Bukhari et Muslim ont cité dans leur recueil que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: certes, vous allez voir votre Seigneur comme vous voyez la lune lorsque c'est une nuit de pleine lune, et vous n'allez pas vous gêner mutuellement en cela. Vous n'allez pas vous gêner mutuellement en le regardant, en le voyant. والصحابة آمنوا بهذه الآيات وهذه الأحاديث ولم ينكر أحد منهم رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. Et certes, les compagnons, ils ont cru en ces versets et en ces hadiths, et aucun d'entre eux n'a rejeté le fait que les croyants verront leur Seigneur au jour de la résurrection. فَمَنْ خَالَفَ سَبِيلَهُمْ دَعَى عَلَى نَفْسِهِ بِالْهَلَكِ. Alors, celui qui s'oppose et qui contredit la voix des compagnons, il invoque contre sa propre personne à la perdition. Ensuite, Allah Ta'ala, il dit ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمِ. Puis, certes, ils brûleront dans Al-Jahim, l'enfer. ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. Puis, il leur sera dit: ceci est ce que vous aviez démenti. Et ceci est ce en quoi vous avez mécru. فَذَكَرَ اللَّهُ لَهُمْ ثَلَاثَةَ أَنْوَاعٍ مِنَ الْعُقُوبَاتِ. Alors Allah a cité pour eux trois types de punitions. Trois. الْأُولَى أَنَّهُمْ مَحْجُوبُونَ عَنْ رُؤْيَةِ رَبِّهِمْ. La première est le fait qu'il leur sera empêché de voir leur Seigneur. الثَّانِيَ أَنَّهُمْ يَصْلَوْنَ النَّارِ. La deuxième punition est qu'ils brûleront dans le feu. الثَّالِثَ اللوم. La troisième punition est qu'ils seront blâmés lorsqu'il leur sera dit: voilà ce que vous rejetiez, voilà ce que vous avez nié dans votre vie d'ici-bas. فاجتمع عليهم العذاب البدني والعذاب القلبي كما قاله العلامة ابن العثيمين رحمه الله. Alors la punition physique ainsi que la punition spirituelle se sont rassemblées sur eux, comme l'a cité le très savant Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Wa hadha yudhakkiruna biqawlillahi ta'ala. Et ceci nous rappelle la parole d'Allah le très haut lorsqu'il dit: waylun yawma idhin lil mukaththibin. Garde ce jour-là à ceux qui démentaient, à ceux qui ont renié. الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ. Ceux qui s'ébattent dans un discours frivole. يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَى. Le jour où ils seront jetés dans le feu de l'enfer. هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. Ce feu que vous avez nié et démenti. أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ. Est-ce que ceci est de la sorcellerie ou alors vous ne voyez pas? إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. endurez, ou alors n'endurez pas. Ceci est égal pour vous. Certes, vous êtes rétribués en fonction de ce que vous avez accompli. Allahu Akbar, qu'Allah nous préserve de ce châtiment terrible et douloureux. Ensuite, Allah le Très-Haut, il nous dit toujours dans Surat Al-Mutaffifin, « Kalla, inna kitab al-abrar ila fi illiyin, wa ma adraka ma illiyun, kitabun marqum, yashhaduhu al-muqarrabun. » En réalité, le livre des pieux sera dans Illiyin. Et qui te fait savoir ce qu'est Illiyun? Un livre cacheté. Et un livre cacheté, les rapprochés y assisteront. Les rapprochés y assisteront. فَبَعْدَمَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى كِتَابَ الْفُجَّارِ الَّذِي هُوَ فِي أَسْفَلِ الْأَمْكِنَةِ وَأَضْيَقِهَا ذَكَرَ كِتَابَ الْأَبْرَارِ الَّذِي هُوَ فِي أَعْلَى الْأَمْكِنَةِ وَأَوْسَعِهَا. Après que Allah Ta'ala ait cité le livre des pervers, ce livre qui est dans le plus bas des endroits et l'endroit le plus restreint qu'on avait dit que c'est le feu. Allah Ta'ala a après cela cité le livre des pieux, ce livre qui se trouve dans l'endroit le plus élevé et l'endroit le plus vaste. وَعِلِّيُّنْ إِسْمٌ أَعْلَى الْجَنَّةِ. Et le nom, عِلِّيُّنْ, c'est un nom qui est donné à l'endroit le plus élevé du paradis. فَالْأَبْرَارِ الَّذِينَ أَكْثَرُ الْخَيْرَاتِ وَقَامُوا بِحَقِّ اللَّهِ وَحَقِّ عِبَادِهِ كِتَابُهُمْ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ. Et donc les pieux, ceux qui ont accompli de nombreux actes de bien, ceux qui ont donné leur droit à son droit à Allah et aux serviteurs d'Allah, alors cela, leur livre est à l'endroit le plus élevé du paradis. Et ensuite la parole d'Allah Ta'ala, wa ma adraka ma illiyun, et qui te fera savoir ce qu'est illiyun? Ta'dhiman li hadha al-makan ar-rafi', ceci est une valorisation de cet endroit prééminent. Kitabun marqum, un livre cacheté. هَذَا وَصْفٌ لِكِتَابِ الْأَبْرَارِ وَلَيْسَ وَصْفًا لِلْعِلِّيِّينَ. Ceci est, donc, ce livre cacheté, c'est une caractéristique du livre des pieux. Mais ce n'est pas une caractéristique de عِلِّيُّون. Donc faites attention, comme on l'a vu dans le cours précédent. فَكِتَابُهُمْ لَا يُبَدَّلْ وَلَا يُزَدُ فِيهِ وَلَا يُنْقَصْ. Et donc le livre des pieux n'est pas changé. On ne va pas y rajouter quoi que ce soit, ni enlever quoi que ce soit. يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ, les rapprochés y assisteront. يُحْتَمَلْ أَنْ يُرَادَ هُنَا أَنَّ الْمُقَرَّبِينَ يَحْدُرُونَ وَيُحْتَمَلُ أَيْضًا أَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ بِهِ. Et donc, il peut être compris ici que les rapprochés, ceux qui sont rapprochés d'Allah, assisteront à cela. Et il peut être compris aussi qu'ils témoigneront, il peut être voulu par là aussi qu'ils vont témoigner par celui-ci. Wal muqarrabun humul ladhina taqarrabu ila Allah bi salihil a'mal. Et certes, les rapprochés, ce sont ceux qui se sont rapprochés d'Allah en accomplissant des bonnes actions. فَقَرَّبَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ. Alors Allah, il les a rapprochés de lui. فَكُلَّمَا كَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ طَاعَةً لِلَّهِ كَانَ أَقْرَبَ إِلَيْهِ. Alors, plus le serviteur est obéissant envers Allah, et plus il se rapproche de lui. Ceci est très important, les frères. Plus le serviteur est obéissant envers Allah et plus il est proche de lui. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallahu ta'ala, pour ne pas faire trop long. Et demain, bi'idhnillahi ta'ala, on va finir surat al-mutaffifin. On demande à Allah azza wa jal qu'il nous accorde la réussite. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum. ورحمة الله وبركاته.